Naturellement Parc, l'émission du Parc naturel régional de Lorraine. Cet été, partez à la découverte de la Lorraine avec un réseau d'adresses et de bons plans conciliant préservation de l'environnement, partage et lien au territoire. Pour vous guider et inspirer vos vacances en local, on vous propose 6 escapades éco-positives Valeur Parc Naturel Régional. Ouvrez grand les yeux et les oreilles, vous êtes en Lorraine. Partons à la découverte de l'étang de l'Indre entre gourmandise et paysages éloquents. Au départ de cette escapade, il y a cette herbe des prairies qui accueille une multitude de fleurs et d'insectes. Ça bourdonne tout partout. On en fait d'ailleurs une petite gelée des prairies qui accompagne à merveille un fromage blanc frais. Mais ça, c'est Régis Kriegel qui vous en parlera le mieux dans sa boutique de Montdidier. Ce confiturier a lancé cette gelée à l'issue d'un concours agricole. Dans les prairies autour de la presqu'île de Tarquimpol, ouvrez grand les yeux, on trouve des vaches qui pâturent au pays des oiseaux. La ferme d'Alteville y préserve des espaces non fauchés. Les pieds dans l'eau, les vaches blondes d'Aquitaine s'y ressourcent. Les haies champêtres plantées aux abords de la ferme favorisent la biodiversité. On peut y observer un splendide papillon, le cuivré des marais. Au domaine d'Alteville, la famille Barthélémy accueille les hôtes venus du monde entier depuis 1906. Plongez au cœur de l'histoire dans de magnifiques chambres avec vue sur le parc et parcourez les chemins de traverse sur des vélos électriques. Partagez aussi la vie de Gentleman Farmers autour de la table d'hôte où l'on propose une cuisine familiale de terroir avec les produits issus de la ferme biologique. Vous retrouvez cette viande à l'herbe de grande qualité et d'autres produits exclusivement bio en vente à l'inventaire du Prévert à Dieuze. Vous nous présentez l'inventaire du Prévert à Dieuze. On écoute Nathalie Mullet qui est responsable de l'épicerie. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver à l'inventaire du Prévert ? Alors on peut trouver de tout, déjà de l'épicerie avec des produits locaux. On a par exemple des farines de Tarquimpol, des pâtes de la Gissière à Mézières-lès-Vic. On a de la confiture qui sont faites par une productrice de Haut-Clocher, une maraîchère. On a du miel, des céréales qui viennent de Tarquimpol aussi. Huile, vinaigre, moutarde, ça vient de la ferme de Bel Air à Landroff. Des produits gourmands. C'est des produits gourmands, oui. Des produits gourmands. Alors, dans une boutique qui a évolué parce qu'elle a été ouverte en juin 2016, il y a 7 ans. Alors, racontez-nous un petit peu l'histoire de l'inventaire du Prévert. Ça a démarré avec des petits producteurs locaux, des producteurs locaux. En juin 2016, ils ont décidé d'ouvrir une petite boutique qui faisait 20 mètres carrés dans un tout petit local. Et par la suite, comme ça s'est développé, on a décidé d'ouvrir plus grand et de déménager. Donc on s'est installé à la Lorraine il y a 2 ans. Mmh. Voilà. Maintenant, on a une épicerie qui est quand même assez vaste, avec plus de choses, et on a une petite partie restauration. On va retrouver plusieurs rayons, il y a l'épicerie, là dont vous nous faisiez état des gourmandises, il y a une partie boucherie, fromage. Alors, voilà, c'est ça, on a boucherie, on a fromage, crèmerie, on a des fruits et légumes, voilà, et ce sont essentiellement locaux. Essentiellement locaux, et autrement, s'ils ne sont pas locaux, exclusivement bio. Exclusivement bio. Maintenant aussi, ça c'est la nouveauté, un traiteur sur place. On peut même déjeuner les midis. Voilà, c'est ça. Il y a un traiteur sur place qui travaille avec nous depuis quelques temps. Donc on peut déjeuner le midi, il fait des plats emportés, il prend des commandes aussi si vous avez des repas, un buffet ou quelque chose. Donc voilà. Ça permet vraiment de découvrir la partie gastronomique du territoire autour de l'Indre. Voilà, c'est ça. Et du coup, il cuisine avec nos produits de notre épicerie. C'est très alléchant. Voilà, il faut venir essayer. Il va falloir qu'on vienne essayer. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Nathalie. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Après cette petite halte gourmande à l'inventaire du Prévert, où vous l'avez bien compris, vous pouvez retrouver plein de produits régionaux et même déjeuner sur place. Avant votre départ, n'oubliez pas de contacter Pascal Scharf, qui lui est guide nature et qui vous conduira sur les chemins buissonniers pour glaner quelques plantes et profiter d'une balade bucolique avec dégustation sur le chemin des Éclusiers à Réchicourt-le-Château. Pour en savoir plus, découvrir cette petite escapade autour de l'étang de l'Indre, c'est tout simple, www.pnr-lorraine.com.